L'aventure de M. Malouin par Maurice Level. Baptiste Malouin était un sage. À 50 ans, satisfait de son sort, n'ayant ni regrets ni ambition, il prenait chaque jour, aux mêmes heures, le même chemin qui le conduisait depuis 30 ans à son même bureau. Il connaissait toutes les maisons, toutes les échoppes. Il échangeait un rapide bonjour avec les ménagères matinales et se plaisait parfois à raconter à de moins anciens que lui la vie et les transformations qui s'étaient opérées dans les rues, dans les boutiques, depuis le jour où, presque adolescent, il avait franchi pour la première fois le seuil de la maison Ferrou, Veillard et compagnie, négociant en cuir et peau. Malouin, qui n'allait au café que le dimanche et ne prenait que 8 jours de congé chaque année pour habiter une petite bicoque qu'il possédait sur la ligne du Nord, n'avait que sa réputation de brave homme, d'employé scrupuleux, d'honnête homme. Or, un soir, le plus simple, le plus banal des accidents, jeta pendant une heure le trouble dans le quartier et transforma sa vie. En descendant l'escalier, il fit un faux pas, glissa, tomba, et en se relevant, ne put poser son pied par terre. Il se raidit, arriva tant bien que mal jusqu'à la porte, essaya de faire quelques pas, mais il avait trop mal, vraiment, et dut s'arrêter. Il se reposa un moment. Déjà 5 ou 6 personnes que d'habitude il ne rencontrait que 200 mètres plus loin l'avaient croisé. Il se dit, plus vexé que pitoyable pour lui-même, « C'est stupide, idiot !» Il voulut se mettre en marche, mais la nuit était triste et déjà froide. Il pleuvait à petites gouttes pressées, silencieuses, le pavé était gras, les murs humides. Sur le trottoir, les gens se hâtaient, le col du par-dessus levé, le parapluie penché en bouclier pour se défendre contre la bise. On se bousculait, on se cognait, et Malouin songea. « Je ne peux pas rester là jusqu'à demain. J'ai déjà perdu plus d'une heure. Il faut tout de même que je dîne. Il n'y a qu'une chose à faire, je vais prendre une voiture. » Il avait des tiraillements dans la jambe, sa cheville était endolorie, son pied pesant, et la souffrance autant que l'air mouillé lui donnait de petits frissons avec une indéfinissable sensation de malaise et d'ennui. Il alla à un cocher, monta dans le fiacre, donna son adresse et s'assit. Pour lui, bien installé sur les coussins auxquels il trouvait une douceur singulière, il jouissait mollement et de la détente physique et de la sensation un peu vaniteuse de se sentir un monsieur. Un monsieur qui n'est pas à 2 francs près et qui s'offre toutes les facilités, presque tous les luxes. Et peu à peu, bercé par le balancement, engourdi d'une tiédeur nouvelle, il oublia son mal et se prit à réfléchir. En somme, les gens riches avaient de la chance. Ils n'enviaient personne, oh certes non, mais tout de même, c'était agréable de rouler en voiture au lieu de traîner ses semelles dans la boue. Puis, quand on prend de l'âge, on se fatigue tout de même à la longue. Les trajets de 40 minutes, c'était très bien quand on avait 20 ans, mais plus tard. Oh, ce n'était point qu'il souhaitait à l'impossible. Une automobile, simplement des chevaux, ou plus simplement encore un fiacre qui va le prendre chaque soir. Mais pouvoir, quand on est un peu là, se faire reconduire, ou par les beaux crépuscules d'été remonter les Champs-Élysées, l'avenue du Bois. Tandis qu'être un pauvre diable d'employé à 250 francs par mois, ne se souvenir en somme de rien de bon, et n'espérer rien de meilleur. Et comme la moitié du chemin se trouvait parcouru, déjà, un regret, d'abord vague, puis plus précis, coula en lui, une sorte de révolte, de déshérité, de colère obscure contre ces êtres vagues, les autres, qui avait trop de chance. Et il comprenait. Il comprenait quoi? Il aurait su le dire. Était-ce la joie d'être riche, la rancœur d'être pauvre? L'un et l'autre, peut-être. Cela était très confus, très ténébreux, dans son esprit. Mais enfin, il comprenait. Un chaos plus violent ayant déplacé sa jambe, il fit aïe, et se remonta un peu sur la banquette. Dans le mouvement qu'il fit, sa main frôla quelque chose de froid, un paquet qui, au toucher, semblait être un paquet de journaux. Il prit machinalement et regarda. L'intérieur de la voiture était sombre. Il attendit qu'on passât devant un bec de gaz et regarda. Il ne s'était pas trompé. C'était bien un petit paquet enveloppé dans des journaux et fermé par une grosse ficelle. Il le soupesa. Ce n'était pas lourd. Ça avait l'air d'être du papier, simplement. Un manuscrit? Des lettres d'amour? Cette pensée le fit sourire. Il se dit « Je vais donner ça au cocher. » Il le déposera au commissariat. Si celui qui l'a perdu y tient, il viendra le réclamer. Et abaissa la glace. Dites donc, cocher, on a oublié quelque chose dans votre voiture. Sans se tourner, le cocher, qui était un peu sourd, répondit. « Je ne peux pas passer par là, c'est barré. » Pourquoi ne répéta-t-il pas sa question ? Il eût été incapable de le dire. Mais il fut presque content que le cocher n'eût point compris, remonta la glace et s'assit. « Après tout, est-ce qu'on sait jamais ? » Il y avait peut-être là-dedans des choses qui avaient une importance quelconque, une valeur. S'il l'ouvrait. Ce n'était pas très discret, sans doute, mais enfin. Il valait mieux savoir, toujours. Il était un honnête homme. Soignant toute chose, il défit le nœud de la ficelle, déplia le journal et regarda. Juste on passait devant un magasin très éclairé. Il poussa un cri. Ses doigts fouillaient des feuillets larges, d'une douceur un peu grave. Il y en avait, il y en avait. Il se pencha, reconnut un billet de banque et lut 1 000 francs. La gorge serrée par l'émotion, il balbutia. « Ah bon Dieu, mais c'est une fortune, c'est... » À ce moment, du manche de son fouet, le cocher heurta la glace. Malouin, d'un geste machinal, cacha le paquet et fit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien rue des Abbesses que vous m'avez dit. » On était presque arrivé. Malouin serra le paquet contre lui et dit très vite « mais non, ah, arrêtez, je descends ici. » Il paya, attendit que la voiture tournait le coin et se mit en marche. Il n'avait plus mal, ou plutôt il ne sentait plus son mal. Le paquet serré contre lui, il passa devant la concierge, monta ses 5 étages, ouvrit sa porte, la referma à double tour, alluma une lampe, posa tout doucement les papiers sur la table et s'assit. À petits coups de pouce, il les étala. Il recouvra tout le tapis. Cela faisait sous l'abat-jour une étrange nappe blanche et bleutée, avec des transparences inégales. Malouin contemplait, stupide, cette fortune, et l'envie lui vint de la connaître. Combien pouvait-il y avoir de billets ? 100, 200 ? Il se mit à les compter. Quand il fut à 200, il s'aperçut qu'il y en avait encore presque le double. Il les rangeait par paquets de 50, et chaque fois qu'il en alignait un nouveau, il balbutiait « Bon Dieu, bon Dieu !» Au 10e tas, il s'aperçut que la table était nette. Un vertige le prit. Il y avait là, devant lui, 500 000 francs. Il répéta « 500 000 francs !» Quand il eut rassasié ses yeux et ses mains de cette fortune, il réfléchit. « Demain, à la première heure, j'irai porter cela chez le commissaire. » Il se leva, mit à peine le pied sur le sol et eut un élancement violent. « Demain ? Non. Je ne pourrai pas porter ça demain. Je ne serai sûrement pas capable de me lever. Alors quoi ? Je ne peux pas conserver une pareille fortune chez moi. Si son propriétaire la réclame, qu'il se souvienne du numéro du fiacre, que le cocher dise où il m'a conduit, on viendra chez moi, on perquisitionnera, j'aurai beau dire, on me prendra pour un malhonnête homme. Non, je ne peux pas garder ça 24 heures, et je ne peux pas davantage me lever. Comment faire ? » Il réfléchit, puis trouva une solution. Rien de plus simple, j'écris au commissaire ce qui est arrivé. Je lui dis de venir chez moi. La femme de ménage mettra la lettre à la poste en même temps que celle où je prierai Messieurs Ferraud-Bayard de m'excuser. Comme ça, si dans l'intervalle on réclame, on cherche et on trouve, moi je suis couvert. Il écrivit ces 2 lettres, les posa sur le buffet, passa dans sa chambre à coucher, rangea les billets sous son traversin et se mit au lit. Mais la lampe éteinte, il eut beau rester immobile, se tourner et se retourner entre ses draps, le sommeil ne venait pas. Il se disait « Mon sacré pied me fait mal ». Au jour, il s'assoupit. Il avait tant pensé à cette fortune qu'il en rêva. En rêve, son devoir lui apparut moins simple qu'à l'état de veille. Ces 500 000 francs anonymes étaient un peu à lui. Il avait des doutes, des hésitations sur leur emploi. Même à certains moments, il les voyait dans son tiroir. Il s'éveilla, la tête lourde, les idées brouillées. Son premier geste fut de glisser la main sous son traversin. Le paquet était là. Il regarda sa montre. 9 heures. Comme il avait dormi tard. Étendu sur le dos, il récapitulait les événements de la veille. Son faux pas, sa halte sous la pluie, la commodité de la voiture, sa trouvaille, le mensonge qu'il avait fait au cocher, et ce mensonge arrêta son esprit. Pourquoi avait-il menti en somme ? Il avait bien dit à cet homme, rue des Abbesses, puisque c'était là qu'il demeurait. Mais alors pourquoi, oui, pourquoi, spontanément, sans avoir eu besoin même de réfléchir un quart de seconde, lui avoir dit après qu'il ne demeurait pas là ? Alors, si ce cocher pouvait croire qu'il s'était trompé, qui saurait où il avait déposé son client ? Si on réclamait les 500 000 francs, nul n'aurait l'idée de venir chez lui. Était-il possible qu'en si peu de temps, il réfléchît à tout cela ? Il n'osait pas se demander pour quelle raison il se posait ces questions. Il regarda sa montre une seconde fois. Elle marquait 9h15. Depuis longtemps, la femme de ménage avait dû mettre les deux lettres à la poste. Dans quelques heures, il rendrait cet argent et tout serait dit. Il le devait, et puis d'ailleurs, il n'y avait plus moyen de reculer. Sa déclaration au commissaire était partie, le sort en était jeté. Il n'était pas un voleur, il était un honnête homme, un brave homme. Et puis encore une fois, la lettre était partie. Et pourtant, il appela brusquement « Victorine ». La femme de ménage entra. « Comment, monsieur, vous êtes là ?»« Mais oui, je me suis tordu le pied, je ne peux pas aller au bureau. »« À propos, » ajouta-t-il négligemment, « j'avais laissé deux lettres sur le buffet, dont une à mes patrons, pour les avertir. » « Vous les avez mises à la poste ?»« Non, j'allais descendre, j'y vais tout de suite. » Une bouffée de sang lui monta au visage et d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme, il répondit. « Non, ça tombe tout à fait bien. J'avais justement quelque chose à ajouter à l'une d'elles. Rendez-les-moi. » Quand il les eut, il déchira en mille miettes celle du commissaire, puis il se renversa avec un soupir sur son oreiller et fit ouf. Quand il fut bien décidé à ne pas rendre cet argent, un grave problème se posa. Où le mettrait-il ? Dans un coffre à la Banque de France. Il n'y fallait pas songer. Le garder ici, impossible. Un cambrioleur est vite entré. Dans sa petite maison à la campagne, c'était déjà mieux. Alors il faudrait un coffre-fort. Mais un coffre-fort, ça se force, ça s'enlève. Les voleurs le chargent sur une voiture, l'éventrent à coups de pioche dans un champ et adieu. Non. Le mieux était une cachette sûre, inviolable. Une de ces cachettes telles qu'on les dépeint dans les romans d'aventure avec un ressort caché. Il était vieux, il était seul au monde et il n'avait pas besoin d'acheter des valeurs. Il puiserait au jour le jour dans son trésor et personne ne le saurait jamais. Mais où trouver cette cachette mystérieuse ? Il se souvint que dans le village où était sa maison, il y avait un vieil ouvrier serrurier, un de ces ouvriers de l'ancien temps qui travaillait l'acier avec amour et se transmettait de père en fils de véritables secrets. C'était l'homme qu'il lui fallait. Dès que son pied fut guéri, il demanda un congé et partit. Il exposa au vieil homme le but de sa visite. « Je me fais vieux. J'ai de petites économies et je vais venir vivre à la campagne. Mais les campagnes ne sont pas plus sûres que les villes. S'il ne s'agissait que de mes quelques sous, je m'arrangerais toujours, mais j'ai des papiers en dépôt, des papiers très sérieux. Et je voudrais qu'ils soient à l'abri, bien à l'abri. » Alors je me suis demandé si vous ne pourriez pas m'inventer, me trouver quelque chose chez moi. Mais quelque chose de très bien, de parfait. Conduisez-moi chez vous, on va voir. La bicoque était toute petite, vieille, très noire, trapue, mais les énormes pierres dont elle était bâtie lui donnaient un air solide, presque éternel. Ils entrèrent. Tout en palpant les murs, le vieux serrurier disait « On bâtissait bien dans ce temps. C'était pas des cloisons en papier. » Ils inspectèrent les quatre pièces du rez-de-chaussée, le grenier, rien ne faisait l'affaire. « N'est-ce pas ? » disait l'ouvrier. « Les murs ont beau être solides, ce ne sont jamais que des murs, et vous voulez être à l'abri d'un coup de main de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur ? Évidemment. Avez-vous une cave ? Oui ? Eh bien, allons voir. » Ils descendirent l'escalier sombre et s'arrêtèrent sous une longue voûte. Il y faisait très noir. Cela sentait la futaille aigre, la terre humide, mais la pierre des parois était si dure qu'il ne s'en effritait pas une poussière sous le doigt. Avec sa canne, le vieux tapait le mur. Tout à coup, il s'arrêta. « Vous entendez ici comme ça sonne plein ? Savez-vous où ça s'adosse ?»« Ah ! » dit Malouin. « Oui, je sais, je me souviens. Même quand j'étais tout petit, ma grand-mère me racontait combien ses parents avaient eu du mal pour ses fondations. Nous sommes là exactement contre la colline, adossée. Comme vous disiez, on est en plein rocher. Eh bien ?» fit l'homme, voilà qui est parfait. On ne percera pas le coteau pour venir, n'est-ce pas ? Alors pour l'intérieur, moi je m'en charge. » Et comme un poète emballé par son sujet, il se mit à décrire le chef-d'œuvre qu'il rêvait. La niche creusée en plein roc, les charnières invisibles, la porte d'acier capable de défier la hache, le feu, les jointures serrées au point que pas un ciseau n'y pourrait mordre, la serrure étonnante et si bien protégée que ni la poussière ni l'humidité n'oseraient l'attaquer. Tout cela, conçu sur ses plans à lui, avec des trucs nouveaux qu'il avait imaginés dans sa retraite. Il se résuma. « Quand ça sera fermé, monsieur, ce sera dur comme les mâchoires d'un mort. » Pendant 8 jours, de l'aube au couchant, Malouin creusa la pierre à coups de pic, éclairée seulement par une chandelle plantée dans un goulot de bouteille. Il y avait la figure piquée par les éclats de pierre, les paupières endolories, les mains saignantes, mais il tapait toujours, inlassable, ne sentant ni la douleur, ni la fatigue. Le serrurier, lui, travaillait dans son petit atelier, fenêtre et porte close. Nul ne pénétrait là, et Malouin lui-même s'arrêtait sur le seuil. L'ouvrier lui avait montré seulement la porte d'acier poli, épaisse comme une plaque de blindage, ajoutant « Vous verrez ça en place, vous m'en direz des nouvelles. » Un jour, Malouin arriva et déclara « J'ai atteint la profondeur et la hauteur que vous m'aviez indiqué. J'ai fini. Moi aussi. Voilà 12 nuits que je ne me suis pas couché pour être prêt. Alors, demain, on pourra commencer le montage ?»« Oui, demain. » Attentif, muet, tendant les outils, Malouin suivait le travail. La porte montée, il invita Malouin à en examiner l'équilibre, les charnières, et Malouin s'émerveillait. Palpait le mur, palpait l'acier, avec une joie pareille à celle qu'éprouve un collectionneur en caressant ses bibelots. « Un oiseau la fermerait, » déclarait l'ouvrier, « mais il faudrait un coup de canon pour l'ouvrir. » Ensuite, on passa à la serrure. Il fallut toute une journée. À mesure que le terme approchait, Malouin s'énervait. La préoccupation constante de tout cet argent le rendait craintif, irritable. La dernière vis cessa de tourner, la dernière roue dentée s'immobilisa, et le vieux, avec un air de triomphe, déclara « Ça y est !» Malouin prit son trésor et le posa sur le rayon. « Tenez, » fit le vieux. « 1, 2, hop, fermez, tapez, cognez, n'ayez pas peur. Vous m'avez vu travailler. Je vous défie, tenez, en 1 mois, en 1 an, en 10 ans, si vous ne le connaissez pas, de découvrir le truc. 1, 2, hop, c'est ouvert. Refermez, fort, plus fort, n'ayez pas peur. » Malgré lui, en voyant la porte mystérieuse s'abattre sur son argent, Malouin frémissait. Il n'était pas tranquille tant qu'il ne le voyait pas, et poussait un petit soupir dès que son regard le retrouvait. « Fermez, allez donc, » répétait le vieux, « et ouvrez maintenant, ha ha ! Cherchez, fouillez, à coups de poing, à coups de pied, prenez le pic, c'est du canon qu'il faut, je vous dis, du canon ! Et moi, 1, 2, apparaissez. » « C'est admirable, » disait Malouin, « admirable, et c'est facile ? Comment si c'est facile ? Mais c'est un jeu d'enfant, je vais vous faire voir. Vous fermez, vous poussez, simplement, fort ou pas fort, ça n'a pas d'importance. Tâtez à présent. C'est bien fermé. Bon. Vous voulez ouvrir ? Pas besoin de lanterne, ni même de bougie. Avec un doigt. La nuit. Seulement, il faut bien se souvenir. Ah, bon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai ? J'étouffe. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'étouffe ! Brusquement, une vision terrible traversa l'esprit de Malouin. Devant cet homme, à demi renversé sur une futaille vide et qui tentait d'arracher sa cravate, une terreur l'envahit. Il le prit dans ses bras, lui releva la tête et la bouche contre son oreille balbutia. « De quoi faut-il se souvenir ? De quoi ? J'étouffe ! J'étouffe ! » râlait le vieux. Il hurla. « De quoi faut-il se souvenir ? J'étouffe ! » Il s'arracha les cheveux, sanglota, trépigna. « Mais ouvrez ! Vous voyez bien que c'est fermé ! De quoi faut-il se souvenir ? Parlez ! J'étouffe !» râla le vieux. Et il retomba. Malouin se jeta à genoux, le saisit aux épaules, le secoua, l'appelant avec des mots d'amitié, de colère, de menace. Peine inutile, le vieux ne remuait plus, il était mort. Alors il se rua contre la porte, s'y déchira les doigts, y promena ses mains. Il empoigna le pic et à grands coups essaya de l'ébranler. Mais rien ne bougeait, l'autre avait bien dit vrai. C'était dur comme une mâchoire de mort. Alors Malouin se mit à pleurer comme un enfant. Et près de ce corps immobile, étendu sur le dos, les jambes tordues, le menton levé, parmi l'odeur sinistre et dans l'obscurité de cette cave, où la chandelle, à demi consumée, faisait danser des ombres, devant ce trésor qu'il avait fait voleur et dont un morceau d'acier mystérieux le séparait, il demeura immobile, les cheveux hérissés, les yeux hors de la tête, répétant, sans savoir ce qu'il disait, « Quand ça sera fermé, ce sera dur comme les mâchoires d'un mort !» Ainsi s'achève l'aventure de M. Malouin par Maurice Level.